T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Monster. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez directement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le samedi 2 septembre, c'est l'épisode numéro 388 de Planète Indie et c'est une émission un peu spéciale qu'on va vous proposer aujourd'hui. Déjà, on ne sera pas là ensemble pour 1h30 mais pour 2h puisqu'on fête les 20 ans de Planète Indie. Et oui, en effet, cette émission a vu le jour le 31 juillet 1997. Qu'est-ce qui se passait au mois de juillet 1997? Eh bien, c'est la victoire au Tour de France de Jan Ullrich, qui devient le premier vainqueur allemand, devant Richard Virenque et Mario Pantani. Donc, c'est un beau podium de gens qui sont chargés. Et à propos de ce chargé, qui dit anniversaire, eh bien, dit bulle. Alors, nous aussi, on a des bulles. On va essayer d'en profiter un peu pendant ces 2 heures. Vous aurez les bulles musicales. Voilà, vous l'avez entendu, les bulles sont là. Donc c'est parti pour 2 heures extraordinaires de musique. On va remonter le temps ensemble et voir un peu ce qui s'est passé musicalement, en tout cas au cours de ces 20 dernières années. On va le faire ça en 2 fois. La première c'est aujourd'hui, la prochaine fois eh bien, ce sera au mois d'octobre. J'avais hésité entre une émission, 2 émissions, 3 émissions, voire même 4 émissions. Et puis je me suis dit, bah 2, ce sera pas mal, mais on va les faire un peu plus longues, on va faire 2 émissions de 2 heures. Donc restez bien ensemble, nous sommes ensemble aujourd'hui jusqu'à 19h et on commence tout de suite en musique avec un groupe suédois. Ils étaient notre premier powerplay à l'époque, j'appelais ça le CD de la semaine, puisque c'était une émission que je faisais toutes les semaines sur une radio locale en Belgique qui s'appelait Radio H, qui est devenue Must FM maintenant. Le groupe s'appelle The Behavior, c'est un groupe suédois, c'est de la pop mais à fond les manettes, et à l'époque eh bien, il y avait beaucoup de productions suédoises qui arrivaient et c'était sorti sur le label à l'époque North of No South, c'est un des premiers labels qui m'avait fait confiance. Donc on écoute The Behavior avec Hello et puis après ce sera le groupe The El Caminos, et ça je vous en parlerai après. Tout de suite The Behavior avec Hello, moi aussi je vous dis Hello et nous sommes ensemble donc pour 2 heures de musique. You will find Say hello, hello, hello. Voilà, vous aurez le son et les bruitages jusqu'au bout. Il s'agit d'un morceau qui s'intitule Death Race, donc on pourrait dire ça, la course mortelle. C'est interprété par un groupe japonais. Bah oui, après la Suède, on va au Japon, donc on voyage pas mal. Un groupe japonais qui s'appelle The El Caminos, un groupe de surf music qui est signé par le label californien basé à Los Angeles, Delphi Records. C'était aussi un groupe, je voulais sélectionner parce que, bien pour illustrer aussi la collaboration avec ce label qui a eu pas mal de productions aussi. Celui-ci est sorti évidemment en 1997. Je dis évidemment, mais c'est pas, on va pas faire un parcours chronologique 97, 98, 99. Non, on va aller un peu, on va aller cette émission-ci jusqu'en 2005, pardon. Mais on va aller plic-ploc comme ça dans ces années, pas nécessairement de façon chronologique. Donc c'était Diel Caminos pour rappeler cette collaboration avec le label Delphi qui a sorti pas mal de bons morceaux et de bons artistes et un label sélectionné dans la musique surf. De la musique qu'on entend souvent dans les films de Quentin Tarantino, pour ne pas le citer, et notamment Pulp Fiction. Voilà, on poursuit avec un autre groupe. Alors là, un très très bon groupe aussi, basé aussi en Californie. Le groupe s'appelle Something Rhino. Ils ont sorti un album du même nom. Et j'aurais pratiquement pu sélectionner n'importe lequel morceau de cet album, voire vous passer l'album en entier tellement il était bon. Il y a notamment le morceau Trees, dont on entend un court extrait dans notre générique, mais c'est pas celui-là que j'ai choisi de vous passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va écouter le morceau Hell House. Bah oui, après la course mortelle, pourquoi pas aller voir du côté de l'enfer. Hell House avec Something Rhino pour cette émission spéciale 20 ans de Planète Indie, épisode numéro 1, puisqu'on fera une deuxième émission le mois prochain pour eh bien, la deuxième partie eh bien, de ces années, ces 20 premières années, parce qu'on est reparti pour 20 nouvelles années maintenant, de Planète Indie. It's only a state of mind, not really. Hey, this is Lars Nelson from Minneapolis, Minnesota, USA. Wishing Planetae Indie a very happy 20th anniversary. Here's to another 20 great years of playing the absolute best music in the entire world. Now turn it up and let your neighbors hear it. Si en 1997, et bien vous aviez plus ou moins le même âge que moi, vous avez peut-être reconnu cette voix caractéristique, c'est celle du chanteur de 22, Piste Pirkko, c'est un groupe finlandais. On les avait connus ici en Belgique, en tout cas avec le morceau Gimme Some Water. Ici, on était sur leur album Eleven, et un morceau intitulé Onion Soup. Ben, moi, je vous avoue que c'est pas de la soupe à l'oignon que je suis en train de boire pour le moment. Je suis en train de boire quelque chose... plutôt jaune, transparent, qui fait des bulles, et pour célébrer donc les 20 ans de Planète Indie, puisque Planète Indie, émission née en 1997, émission née, il y a eu pas mal de décès aussi de personnes importantes, notamment, je vais vous en citer quelques-uns, Jacques-Yves Cousteau au mois de juin, Robert Mitchum, Gianni Versace qui a été abattu à Miami, Jeanne Calment, qu'on connaît bien ici, puisqu'elle est morte à plus de 122 ans, qui d'autre, Lady Diana aussi est morte, Mère Teresa, morte à Calcutta. voilà. Ou encore Georges Guettari, voilà quelques faits marquants de 1997. On poursuit en musique, on reste en Finlande. Je vous parlais de la voix caractéristique du chanteur de 22 Piste Birko. La chanteuse, en tout cas, la chanteuse du groupe qu'on va entendre, c'est probablement une des plus belles voix que j'ai eu l'occasion d'entendre et de découvrir dans le cadre de cette émission. Et je l'ai vue aussi notamment quand elle est venue faire son concert ici à la Rocale. C'est Tarja Turunen, la chanteuse du groupe Nightwish, un groupe qu'on a... découvert à l'époque et pour lequel on a passé beaucoup de morceaux, en tout cas dans cette émission, parce qu'on les aime beaucoup. Là, j'ai choisi un extrait de l'album Wishmaster. Alors, ça doit être le deuxième album, je pense qu'ils ont sorti, deuxième ou troisième. Wishmaster avec le morceau Dead Boys Poem, un morceau un peu triste, un peu plus calme que ce qu'ils font d'habitude, mais ça permet de donner de la magnificence. Donc, à la voix de Tarja Turunen pour le groupe Nightwish, Dead Boys Poem. Silence full of it, perfect concert, my best friend. So much to live for, so much to die for, if only my heart had a home. Sing what you can't say, forget what you can't play, hasten to drown into beautiful eyes. Walk within my poetry, this dying music, my love letter to nobody. I didn't feel for you anymore. à eux et elle en particulier, je peux les écouter sans arrêt 24h sur 24. Hein. Malheureusement, le morceau est très très long, il fait plus de 6 minutes et on a beaucoup à écouter aujourd'hui. C'était donc le groupe Nightwish avec Dead Boy Poem. On va rester dans les voix féminines un peu gothiques, puisqu'on va aller sur une compilation sortie sur le label Cop Records, un label qui se spécialisait donc dans la musique dark, industrial et gothique. Une compilation dédiée aux voix féminines dans la musique gothique et industrielle dark. Ça s'appelait Diva X Machina, c'est le volume 2. Et je vous propose d'écouter le groupe Battery avec The Betrayal. C'est le Mega MX dans cette émission, première émission spéciale pour les 20 ans de Planète Indie. Nous sommes ensemble aujourd'hui exceptionnellement, non pas jusque 18h30, mais jusque 19h, il faut en profiter. Donc sur la compilation Diva X Machina, le morceau de Betrayal par le groupe Battery. C'était le Mega Mix pour faire un petit coucou au Cop International avec Mistress Kim à l'époque qui s'occupait et qui gérait ce label Dark Industrial Gothic. On va rester un peu dans la musique électronique, mais on va revenir. Enfin, là on est en Allemagne avec ce label. On va revenir ici au Luxembourg avec un groupe qu'on aime bien évidemment. Et je les avais reçus à l'époque pour une émission spéciale, on avait fait une interview complète sur une heure et demie ou deux heures d'émission. C'était vraiment pas mal. Je pense qu'il y a même quelques photos sur le site internet de Planet Indie. N'hésitez pas à aller voir www.ilovemusic.ga. Je vais vous la dire puisque c'est assez nouveau, on l'a mise en ligne. www.ilovemusic.ga, vous pouvez nous retrouver, c'est aussi facile comme ça. Il s'agit du groupe Low Density Corporation avec un extrait de leur album Trash. On va écouter This Is Not Rebirth. Et puis comme c'est un anniversaire, qui dit anniversaire dit des cadeaux, on en a aussi pour vous. Essentiellement décédés, n'hésitez pas, vous nous donnez un petit coup de téléphone au 26 54 00 44 00 352 26 54 00 44. Vous nous dites un petit coucou et puis nous on vous offre des CD pour les 20 ans de Planet Indie. Un groupe fantastique aussi, ce Low Density Corporation, c'était un peu l'équivalent luxembourgeois du Hooverphonic belge. On les écoutait ici avec This Is Not Rebirth, extrait de leur album Trash. On va changer un peu de style, aller dans la musique un peu plus folk, on va dire traditionnelle, et on va aller du côté de la Tchéquie avec un groupe fantastique qui s'appelle Tchéchomor. Et pour cet album Promeny, alors je me suis renseigné en tchèque, ça veut dire transformation. Et comme quoi vous voyez, cette émission est bien préparée. Ils sont accompagnés de Jazz Coleman. Et on va pas s'embêter, on va écouter la plage titulaire qui s'appelle donc Promeny, la version Radio Mix, donc c'est la version radio en gros. Et que vous dire de plus, en 98, allez, qu'est-ce qui s'est passé en 98? C'est Marco Pantani devant Jan Ulrich et Bobby Julich qui gagne le Tour de France. Donc de nouveau, on est dans l'époque des bien chargés. Et puis c'est aussi l'affaire Monica Lewinsky aux États-Unis. Allez, on change complètement de registre musical avec Checho Moore et Jazz Coleman et le groupe et le morceau Promeny, pardon. Vous allez voir, c'est complètement différent de la musique électronique qu'on vient d'entendre. Darmo sa ty trápiš, můj milý synečku, nenosím já tebe, nenosím srdéčku, přece tvoje nebudu ani jednu hodinu. Co pak sobě myslíš? Má milá panenko, vždyť ty jsi to moje rozbilé srdenko a ty musíš být jima, lebo mi tě pán bude. A já se udělám malou veveričku a já ti uskočím. Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu. A já chovám doma takú se herečku, ona mi podetne důbek i jedličku. A ty musíš být jima, lebo mi tě pám. Takový hvězdáři, co vypočítají hvězdičky na nebi. A ty musíš být jima, lebo mi tě pán bude. Superbe chanson aussi et superbe violon. D'ailleurs, ils sont accompagnés pour l'occasion par l'orchestre symphonique, un orchestre symphonique tchèque. C'était Checho Moore et Jazz Coleman avec Promeny, ça veut dire transformation. Et en gros, c'est l'histoire d'un homme qui aime une femme, mais elle ne l'aime pas en retour. Et donc, elle lui dit qu'elle ne sera jamais à lui. On poursuit dans la veine rock, mais alors là, rock en plein, avec le groupe The Last Band on Earth. C'est un groupe originaire de Boulder, dans le Colorado. Ils nous avaient envoyé leur premier, leur deuxième, même leur troisième album, je crois. Ainsi que toute une collection d'objets promotionnels. Je me souviens qu'ils m'avaient envoyé un petit verre à shot siglé du groupe The Last Band on Earth. Et on va écouter la plage d'ouverture de ce premier album qui, elle, s'intitule Party in My Pants. Bah oui, pourquoi pas. Les Last Band on Earth. Il n'en reste plus qu'un. Eh bien, ce sera eux. Hey, this is Wilfred Kozub. And I'm Jamie Phelps. And we're from Wilfred N. and the Grown Men. Greetings from Edmonton, Alberta, Canada. Thanks for playing our music, Planet Indie. And congratulations on your 20th anniversary. Well done, man. There's a party in my pants. Ah oui, un fameux morceau, hein, le groupe The Last Band on Earth avec Party in My Pants. Je vais, ça pourrait traduire ça comme c'est la fête dans mon pantalon, quelque chose comme ça. Bah oui, on espère tous un peu que ça va aboutir là. Enfin bref, The Last Band on Earth, Party in My Pants, c'était en 1998. Si on remonte le temps en 1990, enfin on avance dans le temps, 1999. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est le fameux incendie dans le tunnel du Mont Blanc qui a fait 39 morts. C'est le feu dans la guerre en Yougoslavie qui met fin à la guerre aussi au Kosovo. Quoi d'autre? C'est la mort de John Kennedy Jr. qui décède dans un accident d'avion. Et puis en Belgique, c'est il était encore prince à l'époque, le prince Philippe qui se marie donc avec la princesse Mathilde ici, originaire de Bastogne, tout près d'ici. N'est plus prince maintenant, il est roi, hein, il est monté en grade. Et puis quoi d'autre encore? Bah en mois de décembre, c'est le retour de l'enclave portugaise de Macao, le paradis des casinos. Retour à la Chine. Nous, on va faire un petit saut dans les années, on va aller en 2002. Je vous ai dit, on va pas remonter nécessairement chronologiquement le temps, musicalement parlant, en tout cas dans la suite dans l'ordre des morceaux. L'ordre a été fait pas au hasard parce que c'est bien préparé, les transitions sont préparées aussi, donc voilà. Donc on va aller du côté de la Russie avec un groupe qui s'appelle Romis Locus. Je sais pas s'ils existent encore, c'est vrai que je les avais rencontrés à l'époque quand j'avais été à Moscou. Je me souviens d'une soirée arrosée à la vodka. Je pense qu'on avait dû chacun de nous siffler une bouteille de vodka par personne, mais bon, ils nous avaient appris les trucs, enfin ils m'avaient appris les trucs pour eh bien, qu'on n'en sente pas trop les effets. Si vous voulez le savoir, bah vous me donnez un petit coup de téléphone, 2654 0044, 2654 0044, et puis on vous offrira des CD. Et puis vous pouvez aussi nous mettre, pourquoi pas, un mot sur notre page Facebook, hein, Planète Indie, avec un E au bout de Planète et au bout de Indie aussi. Allez, Romis Locus, et morceau cool. Bah, il n'est pas si cool que ça quand même. I've come out of home. Slide. Look under your legs. Cool. I harp on cool. White faces look from the windows. Find the place where you listen. Find the place where the Osage engine getting out fluently from the clouds. It fluently deep. such danger, catching up fluently from the clouds, fluently deep into the new s'appelle Snowfall, ça veut dire chute de neige. Bon, aujourd'hui on a de la chance, il fait beau, pas super chaud non plus, mais les chutes de neige c'est pas pour aujourd'hui. En tout cas eux ils savent de quoi ils parlent puisqu'ils sont finlandais et le groupe c'est Suburban Tribe. Morceau suivant, bien place aux femmes de nouveau. Avant cela, quelques événements marquants de l'an 2000. Celui qu'on attendait, bien, n'a pas eu lieu, le bug de l'an 2000 n'a pas eu lieu. Il a juste permis à la société d'informatique de vendre des services de consultance et des logiciels et de s'en mettre plein les poches, mais ça c'est une autre question. Des accidents, bah, c'est l'accident du Concorde à Gonesse. Il y a aussi cet accident de sous-marin russe qui... l'accident du Concorde fait 114 morts. Les Russes ne sont pas en reste puisque leur sous-marin qui s'écrase, enfin plutôt qui sombre au large de la mer de Barents, fait 118 morts. Quoi d'autre? C'est l'élection de George Bush, la signature de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et puis les événements en Syrie où le fils succède au père. Pas la peine d'aller plus loin dans les explications. On poursuit donc musicalement avec Gilly Moon. C'est une artiste australienne qui partage sa vie entre donc l'Australie et Los Angeles. Elle a fondé son label Warrior Girl Music. Elle est aussi très active au niveau du coaching musical pour les artistes. Donc si vous tapez Gilly Moon, il n'y a pas de souci, vous allez tomber sur pas mal d'informations sur la concernant. On l'écoute avec un morceau intitulé Bop to the Rhythm. C'est extrait d'un album intitulé Woman. Oui, alors ça c'est ce qui arrive quand on appuie sur la mauvaise touche. Donc on va relancer Gilly Moon. Donc puisque c'est comme ça, j'en profite pour vous signaler que nous sommes dans une émission spéciale Planète Indie. 20 ans de Planète Indie, bah oui, ça a commencé en juillet, le 31 juillet 1997. Je vais vous faire le petit topo de l'historique. À l'époque, eh bien, quand j'étais à l'UNIF, il y avait une radio universitaire et je m'étais lancé là-dedans. J'ai toujours aimé la radio. Et puis, une fois que j'ai eu fini, je me suis dit, pourquoi pas continuer. Donc, j'ai essayé d'insuffler le mode de réflexion et de sélection musicale de la radio universitaire dans les radios plus commerciales ici. Voilà, c'est simplement ça, la petite histoire, le début des origines de Planet Indie. Voilà, on a reprogrammé le morceau. Bah oui, à l'époque, on n'avait pas encore beaucoup des MP3 et tout ça, c'était encore tout des CD. Enfin, moi, je fonctionne encore beaucoup avec des CD pour l'occasion, mais bon. Gilly Moon, extrait de son album Woman. Cette fois-ci, je ne l'interromps plus. Et le morceau, c'est Bop to the Rhythm. Wanting the rhythm of your heart. Voilà, Jilly Moon, Bop to the Rhythm. Cette année, cette émission Planète Indie, on va remonter les années 1999 à 2009. Pourquoi pas 10 ans plus 10 ans, puisqu'on fait deux émissions spéciales. Oh bah c'est parce que la programmation s'est faite comme ça, et puis il y a eu une ou deux petites interruptions au début, donc après quelques années. Donc voilà, on remonte tout doucement le temps. On va laisser la parole à une autre chanteuse américaine, celle-là, originaire de New York, même si son nom indiquerait plutôt qu'elle est belge, puisqu'elle s'appelle Valérie Gent, bah oui, avec son album Unstoppable. Je l'avais rencontré quand j'avais été à New York aussi. Ça me permet aussi de me rappeler les souvenirs et les rencontres que j'ai faites avec tous ces artistes au cours de ces années. Si on repasse en revue en vitesse les événements de 2001, c'est le début de Wikipédia. Il y a eu un tremblement de terre au Salvador aussi qui a fait pratiquement 900 morts. Quoi d'autre? Et puis en Inde, il y a eu un autre tremblement de terre en Inde. 6000 morts là. Quoi d'autre? Charles Trenet, décès de Charles Trenet. Anthony Quinn aussi. Toujours Lance Armstrong qui continue à gagner le Tour de France. Et puis les actions militaires en Afghanistan par les États-Unis. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Allez, je laisse la parole à Valérie Gent avec son morceau Oasis. Of humility, purify, cleanse me, take my soul, wring it dry. Oasis, you hold me on the precipice, unraveling, sanctify. Release me, drowned within you, let me cry. For I was a wounded soldier when you carried me. I was a rising star, brought down to my knees. on doit couper un petit peu ce très beau morceau calme de Valérie Gent, parce qu'on a encore pas mal de choses à vous faire, pas découvrir, puisque, mais plutôt redécouvrir, puisqu'on remonte le temps. On repasse en revue les années 1997-2009, première partie de la vie de Planète Indie. Je vous avais dit que j'avais rencontré Valérie Gent à New York. Le groupe suivant s'appelle Point of Ares. La chanteuse, c'est Karen Michaelson. Et elle, je l'ai rencontrée aussi là-bas aux États-Unis, au Massachusetts. C'était une des premières que j'ai rencontrées quand j'ai commencé cette émission. Point of Ares, ça nous permet d'aborder le monde de la musique rock progressive, puisque c'est un peu la vague de cet album. C'est un album concept. Un album concept qui s'intitule Les Enemy Glory Darkly Blessed, qui était suivi par un autre qui s'appelait The Sorrows of Young Apollo. C'est très très, on va dire, pas spécialement courant, mais en vogue dans le monde progressif de faire des albums concept. On n'a qu'à voir Pink Floyd par exemple. Donc c'est des albums où les chansons sont, ont tout un lien entre elles et sont pas simplement, c'est pas simplement une superposition, une juxtaposition de morceaux. On va écouter la plage 3, Soon as Even. C'est Point of Ares. Et puis je me suis. C'est marrant parce que. En refouillant dans mes archives, j'ai vu que j'avais deux exemplaires de cet album. Et probablement une, c'était une version promo et l'autre, c'était la version publique parce que. Les CD sont les mêmes, mais la pochette n'est pas la même sur les deux. Donc il y en a une des deux qui est une collector. Et puis après ça, on écoutera Hobbit. C'est aussi un groupe de progressif avec Don't Say No. I'm Diane Mink from Albuquerque, New Mexico, USA. I'd like to congratulate Planet Indie on their 20th anniversary. Hey. Don't say no, ne dis pas non. Bah non, moi je ne dis pas non. En tout cas, ce genre de musique, je ne dis jamais non. C'est la musique rock progressive. Avec à l'instant le groupe Hobbit. Je viens de me revoir les notes du pochette, de la pochette du CD. C'est vrai que j'avais oublié qu'ils m'avaient même mis dans leurs remerciements pour cet album Rocking the Shire. Et puis on va rester dans le monde du rock progressif avec Mystery, avec notamment à la guitare Michel Saint-Père que j'avais rencontré lors d'un séjour à Montréal et qui est le manager de ce label, fantastique label de rock progressif Unicorn Records. On va les écouter avec The Preacher's Fall, extrait d'un album un peu plus récent qui s'intitule Beneath the Veil of Winter's Face. Avant cela, quelques petits événements de 2002, c'est l'entrée en vigueur de l'euro, début des Jeux Olympiques à Salt Lake City, l'enlèvement d'Ingrid Betancourt aussi, le décès de la reine-mère Elisabeth d'Angleterre à plus de 100 ans, à 101 ans même, décès d'une cinéaste Yves Robert, Coupe du Monde, Brésil 2, Allemagne 0, Lance Armstrong continue et gagne son 4e Tour de France. Et puis, c'est à peu près tout, hein. Ah non, il y avait aussi ce fameux événement, cette prise d'otage à Moscou, j'ai failli oublier. En plus, j'étais à Moscou à cette époque-là, je me souviens que ma maman m'avait appelé en demandant si on n'était pas au théâtre à ce moment-là, donc on a vécu les événements sur place. Allez, je laisse parler le groupe Mystery et The Preacher's Fall. Voilà, c'était Mystery, très bon groupe, avec donc un extrait de l'album Behind the Veil of Winter's Face, et ça s'intitulait The Preacher's Fall. Le morceau suivant, c'est un instrumental, ça nous ramène un peu plus en arrière, je l'ai souligné, je l'ai sélectionné parce que j'avais eu de bons contacts à l'époque avec le label anglais Baby Mamos, ça c'est le nom du groupe, Pork Recording. Il faut déjà avoir peur de rien pour s'appeler Pork Recording et ça me plaisait beaucoup. Et puis ils faisaient beaucoup de cette musique chill out, down tempo. Donc on va écouter Baby Mamos avec un morceau intitulé USF. Avant cela, on profite que c'est un instrumental, ou un quasi-instrumental, pour faire le tour des événements de 2003, parce qu'on faut remonter, il est 18h22, nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour ce premier épisode des 20 ans de Planet Indie. Alors en 2003, la Corée du Nord sortir du traité de non-prolifération des armes nucléaires, on voit où ça nous mène actuellement. C'est une massive aussi ouverture et adhésion de pays à l'Union Européenne. Il y a notamment Malte, il y a la Hongrie, il y a la Tchéquie, la Pologne, tous ces pays-là sont arrivés. C'est le début de l'opération en Irak, l'opération Freedom Iraq. Quoi d'autre ? Il y a eu Charles Bronson qui est décédé le 3 novembre, qui était né pardon, le 3 novembre 21, il est décédé donc en août 2003. Et je me demande si c'était pas là aussi l'explosion de la navette Columbia, ou alors c'était un peu un an. Non, c'est bien ça. 1er février 2003, explosion de la navette Columbia. Et puis c'est la capture de Saddam Hussein en Irak. Voilà, on écoute Baby Mammoth avec USF. Morceau instrumental. h 26, vous écoutez Planète Indie, épisode numéro 388. Nous célébrons aujourd'hui les 20 ans de cette émission. Et on remonte le temps, on revisite les années 1997-2009, musicalement, et puis un peu aussi, on va voir ce qui se passe, ce qui s'est passé dans les événements de cette année-là. À l'instant, c'était Baby Mammoth avec USF. Je me demande si ça voulait pas dire United States of Funk ou quelque chose comme ça. Un morceau down tempo, chill out, enfin spécialité du label Park Recordings. On va poursuivre avec deux morceaux hollandais qui viennent des Pays-Bas. Comme quoi, cette émission, je vous l'avais dit, elle est préparée, et on fait pas n'importe quoi. Tout d'abord, Within Temptation, c'est aussi un groupe qu'on vous avait fait découvrir dans cette émission, avec un extrait de leur album, très bon album, The Heart of Everything. Et j'aurais pu me la jouer tranquille et facile et vous passer les morceaux classiques que je passe souvent extraits de cet album, à savoir The Howling, What Have You Done ou Frozen. Et ben non, j'étais voir un peu plus loin et je vous ai sélectionné un morceau que je pense on n'a jamais diffusé sur cette antenne. Il s'appelle Final Destination. Et puis après, on écoutera un autre groupe néerlandais qui s'appelle Crazyp. Alors là, Crazyp, je les avais découverts à une fête de la musique ici à Dudelange il y a quelques années. Puis je les avais recontactés pour voir si on pouvait pas faire un truc ensemble. Donc c'est comme ça que j'avais eu aussi leur CD. Et on écoutera le morceau Play This Game With Me. Avant cela, encore quelques mots sur l'année 2004. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la création de Facebook. Et à propos de Facebook, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot sur notre page aussi Facebook, ça nous fera plaisir. Rejoignez la communauté. Quoi d'autre? Pardon, parce qu'à force de parler, ça commence à travailler. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre en 2004? Ray Charles décède. Je vous avais parlé de l'adhésion de pas mal de pays. En fait, ils disaient oui, ils sont vraiment adhérés à l'Union européenne en 2004. Décès de Jean Lefebvre. Quoi d'autre? Michael Schumacher qui remporte son 7e titre. Bon, il a un peu tué la Formule 1, me semble-t-il. Moi, c'est vrai que depuis lors, j'ai plus regardé parce que je trouvais pas ça passionnant du tout. C'était toujours lui qui gagnait. Et puis, il y a un séisme, le fameux séisme dans l'océan Indien. Séisme de magnitude 9,3 qui provoque un tsunami qui fera plus de 200 000 morts en Indonésie, Sri Lanka, Inde et Thaïlande. Bah oui, c'est ça aussi. Allez, Within Temptation, Final Destination. Et puis après donc, les Crazyp avec Play This Game With Me. Just a moment, no awareness. Lars Nelson from Minneapolis, Minnesota, USA. Wishing Planet Indy a very happy 20th anniversary. Here's to another 20 great years of playing the absolute best music in the entire world. Now turn it up and let your neighbors hear it. Dommage, elle veut qu'il joue avec et lui ne comprend pas. C'était les Hollandais de Crazy Ip avec Play This Game With Me. Et comme vous, pour vous prouver que cette émission est bien préparée, la transition, vous allez voir. Je vous ai dit tout à l'heure que Crazy Ip, je les avais découverts à la fête de la musique à Dudelange. Et bien, vous voyez comme c'est beau. Le groupe suivant, c'est un groupe luxembourgeois. Il s'appelle Spleen. Je vous assure, cette transition-là, je ne l'avais pas vue. Je viens seulement de l'avoir maintenant. Un groupe luxembourgeois qui s'appelle Spleen, avec leur album Spleenetic et la voix de Françoise. On dirait Charlene Spiteri sur ce morceau, la chanteuse du groupe Texas. On va les écouter avec le morceau Better Off. Je vous parle des décès de 2005 parce qu'il y en a eu quelques-uns. Jacques Villeray, Pierre Bachelet. Attendez, parce qu'il faut que je surveille mes histoires. Jacques Villeray, donc Pierre Bachelet, Jean-Paul II, Régnier III, tous ces gens sont décédés en 2005. Donc c'est une année assez noire, ainsi que Gloria Lasso. Bah voilà. Et puis c'est l'arrivée de Angela Merkel au gouvernement allemand. Allez, on écoute les Luxembourgeois de Spleen avec Charlene Spiteri, entre guillemets, alias Françoise, pour ce morceau Better Off. Drops miss my umbrella, staying at home. Where is the ocean? Nowhere, my love, so very amazing and smart. Found out a how fun it is to break my neck. Surprises rise when at least you expect. Where is the ocean? Sometimes, sometimes you better stay at home. Singing my thoughts to the crowd, but they heard the zecs and the drums were too loud. Giving up, I'm finally shouting it out. Where is the ocean? Nowhere on the beach. I finally managed to drum. David saves everyone but me on his own. TV ain't helping me out, so I. Why is the ocean? Sometimes, sometimes you better stay at home. Sometimes, sometimes you better stay at home all alone. Sometimes, sometimes you better stay at home all alone. And I'm Jamie Phelps. And we're from Wilfred N. and the Grown Men. Greetings from Edmonton, Alberta, Canada. Thanks for playing our music, Planet Indy. And congratulations on your 20th anniversary. Well done, man. Voilà, comme vous voyez, on a fait participer quelques artistes et on les a mis à contribution pour nous faire des petits sons comme ça pour eh bien, les 20 ans de Planet Indy. Là, c'était Wilfred Kozub du groupe Wilfred N and the Grown Man de Alberta, Canada. On va se calmer un peu avec LR60 et Mr. Moods. C'est aussi du downtempo tripop acid jazz. Le morceau s'appelle Costa Rica Dream. suis désolé, on va devoir speeder un peu sur la fin. Il est déjà 18h44. Nous avons encore un quart d'heure à vivre ensemble pour aujourd'hui. Et pas moins de 4 morceaux. Il y en avait un cinquième, mais désolé, ce sera pour une prochaine fois parce que ça devient trop juste. Alors, on profite de cet instrumental pour passer en revue les événements de 2006. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la fameuse publication au Danemark des 12 caricatures de Mahomet. En février, c'est le décès de Darry Cole. Twitter, qui émet son premier tweet au mois de mars. Claude Pieplu, qui décède. Quoi d'autre ? Victoire de l'Italie en finale de la Coupe du Monde contre la France suite au fameux coup de boule. Et puis après, le 20 juillet, c'est le décès de Gérard Houry qui avait notamment réalisé La Grande Vadrouille et Le Cornio. On poursuit avec du rock et Underwhelm, un groupe originaire de New York avec un morceau Reachin'. Ça dépote, il s'agit du groupe Underwhelmed avec le morceau Reaching, en vous les présentant tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire qu'il faisait partie de la galaxie Ariel Hayat Publicity. Ariel Hayat qui est une papesse de la promotion musicale dans le monde indépendant. Pour suivre, on retourne en Finlande. C'est vrai qu'on y a déjà été quelques fois, notamment bien avec 22 Pistes et Pirko, avec Nightwish, avec Suburban Tribe. On va y retourner une dernière fois aujourd'hui avec un groupe. Je suis pas spécialement fan absolument, mais on les a passés et puis après ils ont eu un succès temporaire, je vous l'avoue. Mais c'est un groupe finlandais qui a gagné l'Eurovision, je sais plus en quelle année. Si je vous dis ça, vous devez avoir trouvé de qui il s'agit. Il s'agit de Lordi. Alors, j'avais pas prévu de les passer dans cette émission récapitulative, et puis je me suis dit, mais c'est vrai, purée, je les avais passés avant qu'on les découvre avec leur victoire à l'Eurovision. On va écouter donc Not the Nicest Guy de Lordi. C'est vrai qu'ils ont pas l'air commodes sur la pochette. Découvert en avant-première par Planet Indie, hein. Just for a spite, every day, every night, you still wonder, you wonder. From the ashes I rise, by the roll of the dice, you'll go under, go under. You never realize I'm back here to stay, like a fungus that grows on your side. Je vous avais prévenu que ça dépotait, les Lordi qui avaient gagné l'Eurovision avec Not the Nicest Guy. Et, allez, on fait un petit tour aux événements de 2007. C'est l'arrivée de l'Apple, commercialisé, le premier Apple. L'abbé Pierre qui décède, l'interdiction de fumer dans les lieux publics un peu partout. Record de vitesse pour le TGV avec 570 km/h. Décès de Jean-Claude Brialy, décès de Shimon Peres, décès de Michel Serrault. Jacques Martin, du Mime Marceau, et voilà. Et de Maurice Béjart aussi. Allez, on poursuit avec un morceau pas spécialement plus calme. C'est un groupe belge qui s'appelle Speedball JR, ou Speedball JR en français. Un groupe originaire de Gand, signé sur un label grec. Bah oui, pourquoi pas. Je les avais découverts, eux, à Arlon, dans le cadre... du festival Ara Lunaire. Enfin, il s'appelait pas Ara Lunaire, il s'appelait Les Nuits de l'Entrepôt, si je me souviens bien à l'époque. Et puis voilà, je les avais recontactés et puis on était restés en contact un certain temps. Donc c'est un groupe belge spécialisé dans la musique, aussi la musique surf, vous allez voir. On les écoute avec le morceau Pipeline, c'est dans Planète Indie numéro 388 pour célébrer les 20 ans de cette émission. Voilà, voilà, on arrive tout doucement au terme de la programmation de cet épisode numéro 388 de Planète Indie. C'était la première émission récapitulative, célébration des 20 ans de cette émission. La prochaine émission se tiendra le 7 octobre. Eh bien, on fera la deuxième partie des récapitulatifs. On fera les années 2009 à 2017. On va se quitter avec un autre groupe de music surf. Bah oui, j'aime assez bien. De temps en temps, ça change un peu. On n'en passe pas si souvent que ça. Le groupe s'intitule 63 Burn Out. On les écoute avec un morceau donc qui s'intitule Action Boy Go. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve donc dans un mois pour de nouvelles aventures. À bientôt et restez-nous fidèles, on vous mettra le podcast de cette émission sur le site internet et sur Facebook. Bah tout de suite, très bientôt. À bientôt, bonne soirée.